Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans Bab al-Adhan wal-Iqama. Nadkhulu al-yawm fi al-hadith al-thani wa sittin. 62e hadith. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كان ينظر إلى بيال ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة ثم ركست له عطرة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Dans le hadith, selon Abu Juhayfa, Wahb ibn Abdillah, radiallahu anhu, qu'il dit, je me suis rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans une tente de peau rouge. Et Bilal est sorti pour lui apporter l'eau d'eau. Pour apporter l'eau d'eau à tout le monde, plutôt. Donc parmi les gens, certains qui utilisaient beaucoup d'eau et d'autres qui en utilisaient peu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti de sa tente en portant une tunique rouge. C'est comme si je regardais dans le blanc de ses mollets. Donc, il a fait l'eau d'eau. Et Bilal a fait l'adhan. Et je me mettais à suivre la bouche de Bilal par-ci et par-là, en disant à droite et en disant à gauche, c'est-à-dire sa tête vers la droite et sa tête vers la gauche, lorsqu'il disait « Hayya ala salah, hayya ala salah » qui veut dire « Accourez à la salat, hâtez-vous à la salat » ou « Hayya ala salah » ou « Hayya ala falah » plutôt. « Accourez à la salat » ou « Accourez à la félicité ». Ensuite, je lui ai planté une petite lance et il s'est avancé. Et là, il a fait le zor, il a fait la salle du zor en faisant deux rakat. Il a cessé de faire deux rakat jusqu'à ce qu'il revienne à Medina. C'est-à-dire, il est en voyage. Il était voyageur, donc il a raccourci les salawat. Yaqulu Fadilat al-Shaykh ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Al-Rawi, le rapporteur, Abu Juhayfa, Wahb ibn Abdillah, al-Siwa'i. Qadima saghiran, ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi akhir umrihi, wa hafiza anhu. Donc, Abu Juhayfa, Wahb ibn Abdillah, al-Siwa'i. Il s'est rendu, alors qu'il était encore jeune, auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'était la fin de la vie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qila annahu lam yablugh al-hilm hina tuwfi an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été dit même qu'il n'a pas atteint l'adolescence lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sahiba Aliyan, radiallahu anhu, wa ja'alahu ala bayt al-mal fi Kufa. Et qu'il a accompagné Ali, et que ce dernier l'a mis comme trésorier à Koufa, c'est-à-dire sur la maison des biens des musulmans. Wa kana yusammi Wahb al-Khayl, et que Ali l'appelait Wahb al-Khayl. Tufiya fi Koufa sanat 64, et qu'il est mort à Koufa l'an 64. Yaqul mawdu' al-hadith, le sujet du hadith. Muta'addidun wa al-munasib lil-bab bayan hukm al-iltifat fi al-adhan wa mawdi'i. Donc là, il est dit que le sujet du hadith, c'est de montrer justement lorsque le muazzin tourne la tête et à quel moment il le fait. Non. Fayaqul Fishah l'Ijmali, l'explication globale. Yurbiru Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah Eswa'i radir anhu anna ujaha ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam wa zalika fi hajjat al-wada' fi l'abtah wa nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kubbat lahu hamra min jildin yastazillu biha min al-har. Donc il informe Abu Juhayfa qui s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est lors du pèlerinage d'adieu à Al-Batr, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans une tente rouge faite de peau sous laquelle par laquelle s'abritait du soleil et de la chaleur. Fa kharaja Bilal radhiyallahu anhu bima'ni al-wudu. فجعل الناس يأخذون منهما بين الضاديح والنائل يتوضؤون. Après Bilal est sorti avec de l'eau pour que les gens fassent leur wudu. Et parmi eux, les gens, certains en prenaient beaucoup et d'autres en prenaient peu. قال أبو جحيفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبة لابسا حلة حمراء مشمرا من ساقيه وتوضا ثم اذن بلال لصلاه الظهر. Donc après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti de sa tente en portant une tunique rouge et qu'il avait, on va dire, la partie inférieure qui était remontée, retroussée, qui laissait apparaître ses mollets. Donc il a fait son wudu et ensuite Bilal a fait l'adhan pour la salat du dhuhr. Faja'ala yaltafit yaminan wa shimalan yaqul hayya 'ala as-salah hayya al-falah. Wa aqab as-salah bi-falah. Isharatan ila annaha sabab lahu. Donc après il a dit que Bilal, en faisant l'adhan, tournait sa tête de droite à gauche lorsqu'il disait hayya as-salah, qu'il répète deux fois, et hayya al-falah. Il tourne sa tête à droite et à gauche. Et là, ça tambi, lorsque le muazzin fait cela, comme cela est venu dans d'autres hadiths, c'est que c'est juste la tête qui tourne. Il ne fait pas tourner tout son buste et tout son corps. Il tourne juste sa tête, à droite, à gauche, en ayant ses mains sur les oreilles. L'index à l'intérieur des oreilles et les pouces à l'extérieur. Et certains ulama disent que cet acte, lorsqu'il est fait au micro, il n'y a pas besoin. Car ils disent qu'à la base, le but, c'était de faire porter la voix dans toutes les directions. Et d'autres ulama comme Cheikh Mokbel, il dit on n'a pas de dalil que c'est ça la cause qui faisait qu'il tournait sa tête à droite à gauche. Donc, de là, on reste sur l'apparent du hadith, et même au micro, il voit qu'on garde la même façon de faire que Bilal, et on tourne la tête à droite et à gauche, au moment où on dit ces formules-là. Allahu ta'ala a'lam. Il dit « ثم ركز بلال العطرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسحبها في السفر لتكون سترة له. » Après, Bilal a planté la petite lance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam utilisait avec lui en voyage pour en faire une sutra. C'est-à-dire la chose qui délimite sa salat, vers laquelle il fait sa salat, pour empêcher les gens de passer. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوها فصلى الظهر ركعتين قصرا واستمر على قص الصلاة الرباعية التي إلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Et que là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé devant sa sutra, sa lance, en laissant une distance de 3 coudées à peu près. Et de là, il a fait la salat du dhuhr en faisant 2 rakat. C'est-à-dire en raccourcissant. Et il a continué sur cela, toutes les salats qui sont de 4 rakat en faisant de 2 rakat, jusqu'à ce qu'il revienne à Medina. Car il était en voyage, comme on l'a expliqué. Yaqul, fawaid al-hadith. Awalan, tawadu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, haythu kana mikhyamuhu tilka al-kubba al-saghira min al-juloud. Qui montre la modestie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car sa tente était petite, faite de peau. Thaniyan tawzi' ma al-wudu' bayna an-nas, qui lui permet de venir et de distribuer l'eau pour les gens pour qu'ils fassent le wudu'. Thalithan jawaz libs al-hillat al-humra, qui lui permet de porter une tunique rouge. Après, il y a un khilaf entre les ulama pour le fait de porter du rouge uni pour les hommes. Les ulama disent que la tunique du Nabi sallallahu alayhi wa sallam comportait des traits. Elle était des rayures rouges et des rayures blanches. D'accord. Et d'autres ulama disent, le hadith ne dit pas cela. Et car Abu Juhayfa est un arabe, et il sait très bien ce qu'il y a devant lui, et qu'il a dit rouge, il n'a pas dit rouge et blanche. Et cela, les savants qui ont dit rouge et blanche, c'est pour pouvoir justement qu'il n'y ait pas de contradiction avec les hadiths qui disent qu'il a interdit à l'homme de porter du rouge uni, rouge pur. La masala, c'est une masala qui a une grande divergence dessus. Et le meilleur, quand la personne, quand il n'arrive pas à distinguer, il évite le rouge pur. Maintenant, du rouge qui est dans certaines parties et pas à d'autres, qui est mélangé, il n'y a pas de problème par rapport à ça. L'interdiction qui a été citée, c'est par rapport au rouge entier, uni. Interdit pour les hommes, seulement pas pour les femmes. Taïb. Fumakal, Jawaz Tashmir Rajul Thawbahu Ansakaihi La Siyama Fisafar, qui lui permet à l'homme de retrousser justement ses vêtements jusqu'au mollet, c'est-à-dire le bas, la partie inférieure. Tout particulièrement lors d'un voyage. Khamisan Ana Sakain Lissam Nil Ghawra. Et que les deux mollets font partie des parties intimes à cacher. Saadisan, Mashlouyatil Adhan fi Safar, qui les permet de faire l'adhan lors d'un voyage. Saabi'an, Mashlouyatil Iltifat, Yaminan wa Shimalan, fi Haliyatayn, qui les permet justement de se tourner à droite et à gauche, la tête, lorsque le muazzin fait Hayal Salah, Hayal Falah, deux fois. Saaminan, Mashlouyatil Salat, il est sutra. وأن الأولى ركزها إذا كانت حربة أو شبهها أو شبهها. Et qu'il est permis de faire la salade vers une sutra, même la vie le plus sûr, c'est que cela est obligatoire. D'accord. Et si jamais il s'agit d'une petite lance, ou ce qui y ressemble. تاسعا أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين حتى يرجع إلى بلده وإن طال سفره. Et que celui qui en voyage, il raccourcit sa salawat, qui sont de 4 rakat, en les faisant des salats de 2 rakat. Cela n'est valable que pour les salats de 4 rakat. Les autres restent comme elles sont. Le maghrib reste de 3 et le fajr reste de 2. Et lorsqu'il en voyage, jusqu'à ce qu'il revienne dans son voyage, même si son voyage tarde. Ashiran, 10e, أن المسافر يقصر وإن كان في بلد تزوج فيه أو استوطن سابقا. Et que le musafir pour raccourcir sa salawat, même si dans un pays dans lequel il s'est marié, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'était marié avec Maymouna pendant ce hajj. Ou également, c'est un pays dans lequel il habitait auparavant. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam habitait à Mecca. Mais après, il a déménagé pour Al-Madina. Donc même celui qui retourne dans un lieu où il a vécu auparavant, il est voyageur. Tant qu'il n'est pas dans un lieu où il a sa maison, qu'il est posé et installé pour vivre. Non. Azalazir adna al-yom, fa nakta bi ahdakad, wa alhamdulillah bin alamin.